Déjà commencé par mon gars. Chaque fois me tenité à gâte. Yo toujours te caille douette en poche. Les nous yves pour moyen dé. Moi t'es bien content, ouais, en tipi. Mais comme nous t'es grand passé, moi. Pour faire tout pour bouger, y'en les mots. À force chercher, à force courir, à force chercher, à force s'aimer. Poisson, manou, poisson qui poisson, valet.